Le pire cauchemar de l'humanité est probablement de voir sa race s'éteindre pour diverses raisons, chose à laquelle, d'ailleurs, l'humanité semble se vouer corps et âme. Eh bien, vous pouvez tous dormir sur vos deux oreilles parce que votre bon docteur, c'est-à-dire moi, le Dr. Payne Pendragon, a la solution complète qui mettra fin à ses inquiétudes. Pour un temps limité, profitez de cette offre incroyable. Le fameux Zombie Kit vous sera expédié en double pour seulement 66,66. Oui, vous pouvez vous réjouir et crier tout haut « Enfin, j'ai mon Zombie Kit !» Achetez-le tout de suite et soyez prêt à remplacer un membre de votre famille, ami ou voisin à tout moment et à peu de frais. Et si vous appelez maintenant, vous recevrez en prime le Zombie TV Dinner, un véritable repas type zombie surgelé et périmé à souhait. N'hésitez plus et commandez tout de suite et soyez prêts à repeupler votre quartier et même votre pays. Mais n'oubliez pas, si vous procédez à la commande, vous devrez prier pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. Le Zombie Kit est produit par Undead Incorporated. 'Cause Pendragon said so. Go!

Troisième activité, ce mardi 18 novembre à 19h30 à la Chasse-Galerie. Quiz musical La Fureur. Viens encourager les participants ou même faire la démonstration de tes connaissances du monde de la chanson. Tirage de deux prix de 125$ parmi tous les finissants présents. Vite, mets la main sur ton guide de survie à la diplomation. Fou de diversité. 89. Je ne vous souhaite pas les bienvenus en cette nouvelle édition de réanimation en ce 18 novembre de l'an de disgrâce 2014. Et si il y a une chose que je puis vous affirmer ce soir est que le dicton qui dit ceci, il y a une grande différence entre la pratique et la théorie, ou vice-versa, s'applique encore une fois. Parce que, théoriquement, l'hiver, ce n'est pas avant presque la fin décembre, et depuis hier, pratiquement, c'est l'hiver. Ce que ça a de bien, eh bien, c'est que ma viande hachée de zombie ne risque pas d'être périmée. Elle est congelée. On vient d'entendre la formation des Pays-Bas Asphyx et la pièce Eisenbach Marzer que l'on retrouve sur Death the Brittle Way, septième album de cette formation qui donne dans un Death Doom Metal. C'est paru en 2009 sur Century Media. C'est aussi la formation la plus vieille à laquelle, la plus vieille à laquelle participe Martin Van Dranen, ce vocaliste que je trouve vraiment excellent au niveau du métal. Formation qui existe depuis 87. Il y a eu, petite pause à certains moments donnés, mais quand même relativement éphémère. Je trouve que c'est excellent. Asphyx, je trouve que c'est un bon métal, comme vous avez pu le constater, très énergique, qui, bien entendu, tourne toujours autour du même concept, bien sûr, parce qu'ils ont tous des concepts différents. Les formations dans lesquelles Van Dranen participe, ici on parle principalement de l'occultisme. Juste auparavant, nous avions Exodus, pièce tirée du dernier album Blood and Blood Out, qui est paru il y a, je sais même pas si on peut le dire encore un mois, sur l'étiquette Nuclear Blast, la pièce Body Harvest. C'est tout un titre, hein? Moisson de corps, j'imagine que c'est plus ou moins... pour moi, oui, ça peut être très agréable parce que c'est profitable pour la moyenne des gens et des mortels. Je crois que c'est plutôt dégoûtant. Overkill et les pièces Wish You Were Dead, que l'on retrouve sur l'avant-dernier album de cette formation américaine, soit Electric Age, qui est paru en 2012 sur Nuclear Blast également. Et on a ouvert avec Death Angel et la pièce Buried Alive, qui est tiré de l'album Killing Season, qui est paru en 2008, également sous étiquette Nuclear Blast. Ce soir, c'est une émission, je crois que si vous pourriez parler à ma place, vous m'enlèveriez les mots de la bouche, c'est-à-dire fort chargé comme émission. Oui, c'est un fait. J'ai deux présentations pour vous ce soir, soit la nouvelle parution de la formation américaine qui donne dans un trash groove, Metal, soit Machine Head, et la dernière apparition de la formation suédoise Bloodbath Death Metal qui paraissait hier, en fait, l'album étant Grand Morbid Funeral. Je tiens à dire que dans quelques instants, je vais vous présenter deux pièces tirées du dernier Machine Head qui lui est paru le 7 novembre dernier, et que ce vendredi, à Rock Classic, le Rockmaster vous proposera d'autres pièces qui sont tirées de cet album. Ce n'est pas un add-on que les deux émissions proposent le même album. C'est simplement que nous avions le goût, de façon commune, de le présenter respectivement à Réanimation et à Rock Classic. On va le faire. Ça vous donnera un aperçu qui est peut-être plus large de cet album. J'ai une chronique cinéma aussi. qui, cette semaine, est assez moche, je dois dire, parce que majoritairement, et ça, je dois dire à peu près à 80%, sinon plus, des trucs que j'ai écoutés, j'ai trouvé ça absolument épouvantable. Petite chronique musicale aussi qui va accompagner le tout. Et c'est cela. Donc, je vous parle de Machine Head. Machine Head, une formation qui vient de Oakland, Californie, qui existe depuis 1992, qui met en scène, c'est un quatuor qui met en scène Rob Flynn, Dave McLean, Phil Demel et Jared McHacken. En fait, les membres ne sont pas tous originaux, bien entendu, parce qu'il n'y a que Rob Flynn qui est membre original et probablement fondateur, respectivement, guitare et vocale. Le membre le plus récent est quand même de longue date. Il s'agit de Dave McLean, qui est au drum depuis 96. On a des nouveaux membres qui sont nouveaux depuis 2001. Et un retour 2003, soit Phil Demel, et tant qu'au bassiste, Jared McHacken, c'est depuis 2013, qui est au sein du groupe. C'est une formation qui a une discographie, je dirais, relativement bien garnie, puisqu'on parle de peut-être, je devrais le compter plus précisément, mais on parle peut-être d'un 8 ou 9 albums. Si on parle d'une formation qui existe depuis 92, en pratiquement 23 ans, c'est pas énormément, je dois dire. Personnellement, je suis pas un fan invétéré de Machine Head. J'ai bien aimé les albums de 97 de Mortain's Chains et puis Supercharger, qui étaient relativement différents des autres. Mais j'ai su apprécier cet album-ci parce que j'ai trouvé qu'il y avait une certaine originalité dedans. Un petit peu trop mélodique à mon goût, mais ça encore c'est subjectif. Moi personnellement, je préfère les métals un petit peu plus méchants que ça. Mais quand même, Bloodstone and Diamonds, qui est le titre de cet album, est fort bien, je dois le dire. C'est quand même intéressant. L'autre aspect négatif, encore selon mes goûts personnels, c'est peut-être le vocal de Rob Flynn qui, à la fin de l'album, pour moi, il est temps que ça cesse. Je trouve que c'est un vocal qui est correct, mais qui devient un peu redondant par moment. Bon, probablement que Rockmaster serait pas d'accord avec moi, mais c'est aussi la beauté de la chose d'avoir des goûts différents dans la vie. Je vous propose deux pièces qui sont tirées de cet album Bloodstone and Diamonds, qui est apparu sous étiquette Nuclear Blast, c'est-à-dire Now We Die et Killers and Kings, Machine Head. This are strong and they are wrong. Will scream with me. I do believe I need your help, for I have melt help fist that skies and cry. Machine Head, deux pièces tirées de ce dernier album paru le 7 novembre dernier sur Bloodstone and Diamonds. On va entendre Killers and Kings et Now We Die, pièce d'ouverture de cet album sous étiquette Nuclear Blast. Ben, j'ai trouvé ça très correct comme album. Je ne peux pas dire que je vais me taper cet album à tous les jours, à toutes les semaines. Non, mais je vais sûrement y revenir à l'occasion. J'ai trouvé ça quand même intéressant. Dans la pièce d'ouverture Now We Die, il y a un aspect un petit peu plus symphonique des fois qui peut venir mettre une coloration intéressante à cet album. Voilà. Excusez-moi, j'avais pratiquement envie d'éternuer, ce qui n'était pas vraiment de mise à la radio. Dans quelques instants, après cette pause publicitaire que nous allons avoir dans quelques minutes, nous allons faire une petite incursion vers des formations plus death metal, même une qui a une petite tendance peut-être grind un peu à l'occasion, dans laquelle on va entendre Origin Beyond Creation, formation dont j'ai présenté le dernier album il y a quelques semaines, formation montréalaise. On va entendre aussi Abyss Meltdown et Misery Index, mais ça, c'est tout de suite après cette pause publicitaire. Fou de musique. 89.1 Arborescence 2014. Mercredi le 19 novembre de 18 à 21h au 10-12 de l'UQTR, les étudiants du baccalauréat en loisirs, culture et tourisme invitent toute la population à son événement Arborescence. Arborescence regroupe des artistes aux talents multiples et diversifiés qui viennent présenter sur scène et dans un kiosque leur réalisation avec fierté. Vin gratuit en quantité limitée. Venez participer à la 9e édition de ce spectacle complètement éclaté. Ce mercredi 19 novembre de 18 à 21h au 10-12 de l'UQTR, c'est Arborescence. Le temps d'une pinte, microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Du lundi au jeudi, Assemblage Requis vous sert un petit déjeuner complet. Au menu, des chroniques nutritives faites maison, des segments fraîchement préparés par nos chefs chroniqueurs et de la musique savoureuse. Deux pelletés de contenu pour commencer la journée la tête bien remplie. Est-ce qu'on peut faire moins d'analogies de déjeuner? Je te promets rien. Assemblage Requis avec Mathieu Plante et Stéphanie Paradis. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. C'est fou. 89.1. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation des Haunted Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM jusqu'à 21h, bien sûr. Misery Index, qu'on va entendre dans quelques instants, une pièce tirée de leur plus récent album The Killing Gods, paru cette année en 2014 sous étiquette Season of Mist. C'est une autre des exemples, c'est un autre des exemples de formation dont il ne reste qu'un seul membre original, formation qui était instigée en 2001. On parle de Jason Netherton, qui est le bassiste. C'est le vocaliste de cette formation. C'est le seul qui reste d'origine. Les autres ont tous été remplacés au cours de 2004, 2005 et 2006 plus récemment en ce qui concerne Darren Morris, guitariste. The Killing Gods, c'est un bon album de Misery Index. C'est pas mon préféré, mais c'est un des très bons albums qui, à mon humble avis, gagne à devenir un petit peu moins grind qu'ils étaient auparavant. Ça leur donne une constance qui est un peu plus je dirais, qui a plus d'impact, effectivement, donne une présence aussi qui prend plus de place au niveau de l'ampleur musicale. Donc, on va aller tout de suite écouter Conjuring the Call. C'est tiré de The Killing Gods, Miser Index. Go! As I manifest the dead. Do it et la pièce Malthusian Collapse que l'on retrouve sur la dernière parution de cette formation. Omnipresent. Je peux pas vous dire que c'est le meilleur album selon moi de Origin. C'est un album qui est paru le 4 juillet dernier, qui a eu une appréciation générale des amateurs de métal qui est relativement élevée. Si on le compare, ses deux prédécesseurs qui sont respectivement Entity et Antithesis, qui sont parus respectivement en 2008 et 2011, il est plus faible. Il est moins présent, justement. C'est un peu ironique de dire ça avec un titre comme Omnipresent. Je trouve qu'il est moins présent, cet album-là. Il prend moins d'espace, il est moins gras. Juste auparavant, nous avions encore une autre pièce tirée d'un dernier album d'une formation death metal. Il s'agit d'Incantation et la pièce Impalement of Divinity que l'on trouve sur Dirges of Elysium qui est paru en 2014, évidemment, sur Listenable Records. C'est bien comme album. Encore là, je préfère son prédécesseur. Beyond Creation, formation ici québécoise. Montréalaise, et la pièce The Axiom que l'on retrouve sur leur deuxième parution, Hurtball Evolution, qui est paru le 28 octobre dernier. Et c'est signé sur Season of Mist, c'est quand même pas rien, là. Je trouve que cet album-là, et plus je l'écoute, plus je le trouve intéressant. Il y a beaucoup de subtilités dedans qui sont accrocheuses. Et ben évidemment, ce sont de bons musiciens, puis on s'entend que les partitions de basse de Dominique Lapointe, connu sous le nom de Forest, sont assez intéressantes. Abysmal Down, pièce tirée aussi du dernier album, l'album étant Obsolescence, la pièce que je vous ai présentée s'intitulait Inanimate. C'est paru sur Relapse Record et Misery Index, encore une pièce tirée du dernier album de Killing Gods. Et la pièce de Conjuring, The Call, c'est paru en 2014, bien entendu, sur Season of Mist. 20h18, je vais faire un petit tour, une petite tournée vite fait au niveau musical. Si vous êtes amateur de heavy metal, mais du bon heavy metal, je parle de la formation Satan, vous pouvez vous procurer leur dernière parution, qui n'est pas un album studio original, mais bien qui est un album live et qui s'appelle Trails of Fire. C'est un live qui a été tiré de leur tournée nord-américaine. Pour les amateurs de heavy metal, encore, le 26 janvier prochain, vous pourrez avoir le nouvel album de Udo de Schneider, bien entendu. L'album s'appelle Decadent. Et si vous êtes amateur de musique un petit peu plus méchante, comme moi, vous aurez le plaisir de pouvoir découvrir le nouvel album de Napalm Death qui s'intitulera Apex Predator Easy Meat. C'est le 27 janvier prochain. J'ai découvert et j'ai écouté quelque chose le week-end dernier qui s'appelle une formation qui vient d'Allemagne qui s'appelle Extinctionist. Une formation qui donne un brutal death metal, l'album étant Portal of Extraterrestrial Invasion. Ça m'inspirait, la pochette est quand même assez intéressante, ça m'inspirait de découvrir ça. Puis finalement, j'ai trouvé que c'était relativement, pas banal, mais c'était du déjà vu. C'était du déjà vu réchauffé, rien d'extraordinaire dans tout ça. Ça se démarque pas vraiment, c'est pas mauvais, mais c'est pas quelque chose qui fait « wow ». Au contraire, c'est un album auquel j'ai attribué un 5,5 sur 10, qui est une note de passage, selon moi. De passage, oui, c'est ça. Vous pouvez aller faire l'expérience vous-même. Allez sur le site de réanimationad.com, allez dans la section musique, la chronique musique, cliquez sur... vous allez voir la pochette de l'album avec le nom vous avez écouté ici. Cliquez dessus, ça va vous amener à des échantillonnages, en fait, des pièces que vous pouvez écouter de cette formation-là. Moi, j'ai trouvé que c'était... ordinaire. Information américaine Rigor Mortis, qui vient de sortir... un nouvel album qui s'appelle Slaves to the Grave. C'est sorti sur Rigor Mortis Records. C'est disponible en CD et LP. C'est un trash, je dirais presque festif par moment. Je sais pas si c'est volontaire ou non. Je sais pas si c'est parce qu'ils se prennent pas assez au sérieux ou qu'ils veulent pas se prendre au sérieux. Oui, 6.5. 6.5. Je corrige. 6,5 sur 10. Ça s'écoute bien, mais c'est pas très égal comme album. Et puis, mais il y a des bons moments, mais en fait, attendez-vous pas à avoir des miracles. Par contre, la présentation graphique est vraiment très, très cool. Bref, c'était ça pour les chroniques musicales. Mais en fait, celle-là, je voudrais peut-être plus la garder pour le rock classique, mais quand même, bah, c'est une formation qui donne dans un stoner à tendance psychédélique metal, formation américaine qui porte le nom de Monster Magnet, Milking the Star. Ben, c'est un... réinvention, si on veut, du dernier album Last Patrol, avec des pièces, quatre nouvelles pièces dedans, plus deux versions live. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Monster Magnet, c'est très éclaté, c'est la musique qui a un certain impact. La production, généralement, sont assez bonnes. J'ai aimé leur espèce de réinvention de cet album. Bref, si vous aimez le genre de stoner à tendance quelquefois psychédélique, ils sont assez capotés par moment, ben c'est très bon. Monster Magnet, Milking the Star. On va aller écouter la chronique cinéma, je vais la faire vers la fin de l'émission, parce qu'elle n'est pas très encourageante, mais elle n'est pas très joyeuse non plus, donc je vais vous assommer en fin d'émission avec ça. Musicalement parlant, la deuxième présentation que je ferai ce soir, il s'agit d'un album, en fait, je dois dire que je l'attendais depuis un bon bout de temps. Il s'agit de la formation. Formation qui devient aussi, d'une certaine façon, une espèce de concept, si on veut, parce qu'il y a plusieurs musiciens qui ont quand même travaillé, principalement au niveau du vocal, avec eux. Je parle de formation suédoise Bloodbath. Formation qui est dans un death metal, mais assez intelligent, je dois dire. Formation qui existe depuis 1998. Et présentement, ben en fait, elle est constituée de Jonas Ranksi, qui est un membre de Catatonia, bien entendu. Anders Nistrom, qui est de Catatonia aussi. Martin Axenhut, qui est de Hopeth, Witchery, et ainsi de suite, un ex-Blasphemous aussi. Peter Eriksson, 21 Lucifer. Et Nick Holmes. Nick Holmes, qui a aussi le surnom de Old Nick, qui est le chanteur de Paradise Lost, qui se joint pour cette première fois pour ce nouvel album de Bloodbath. Ce qu'il faut savoir, c'est Old Nick, c'est un jeu de mots, puisque en Angleterre, c'est un terme pour désigner Satan. C'est pas une discographie qui est excessivement bien garnie, hein, Bloodbath, au niveau, je parle d'album complet studio, parce qu'on parle du quatrième album depuis 1998. C'est pas beaucoup. On compte quelques hippies, on compte album live là-dedans. Mais la dernière parution, qui est parue hier, soit Grand Morbid Funeral, sous étiquette Peaceville, ben j'ai trouvé que c'était un très bon album. C'est vraiment un bon album. J'avais aimé beaucoup le précédent, Fathomless Mastery, qui mettait en vedette au vocal nul autre que Michael Oakenfold, bien sûr le grand maître à penser de Hopeth, et chanteur aussi, bien entendu. Ici, Old Nick, je dois dire que je lui préfère Michael Oakenfold, effectivement, mais il fait un bon travail avec Bloodbath. C'est fort intéressant. Musicalement, j'ai beaucoup aimé. Je lui donne un 8,5 sur 10 à cet album Grand Morbid Funeral. Et je vous invite à l'écouter tout de suite deux pièces qui sont respectivement Let the Stillborn Come to Me et Total Death Exhume. Bloodbath, go! Into a mess of death. Commence the ritual. devait y avoir une pub. Ça ne fonctionne pas. Bref, on vient d'entendre la formation Bloodbath. Deux pièces tirées du dernier album Grand Morbid Funeral qui paraissait hier sur Peaceville Records. On a entendu Let the Still Bone Come to Me et Total Death Exhume. C'est un album que je considère peut-être un petit peu moins en finesse que le Fathomless Mastery. Je pense que Mike Akerfeld y est pour beaucoup aussi, mais je trouve que Holdnick soit Nick Holmes de Paradise Lost fait quand même un travail intéressant musicalement. On sent que c'est Bloodbath à l'arrière. Moi, j'ai donné, comme je disais, 8,5 sur 10. Je trouve que c'est une note tout à fait appréciable. C'est un album que j'ai écouté à quelques reprises et que je trouve vraiment meilleur de fois en fois. Je vous le conseille, honnêtement. Je pense que c'est une bonne acquisition pour les amateurs de death metal. Sinon, il va faire un petit tour musicalement. Je le disais en préambule, ça n'a pas été une grande, une pêche fructueuse cette semaine au niveau du cinéma. J'ai écouté quelques trucs. Je vais garder le meilleur pour la fin, je crois. Un film qui avait piqué énormément ma curiosité, j'en ai parlé brièvement, je l'ai présenté brièvement la semaine dernière. C'est un film d'horreur qui est de Jennifer Kent, qui est aussi actrice, qui s'appelle The Babadook. C'est un film d'horreur qui... Oui, effectivement, c'est un film d'horreur qui raconte l'histoire d'une mère qui est aux prises avec son enfant, qui est obsédé par un personnage de conte qui s'appelle le Babadook, qui est une espèce de petite créature fort laide et qui apparaît dans un livre pour enfants, mais bref, avec des annotations assez, je dirais, peu recommandables pour des enfants à bas âge. C'est vraiment mauvais. C'est tellement mauvais, ce film-là. Et je dois dire aussi que Le jeune comédien qui interprète le petit garçon Samuel de 6 ans, et je sais pas si c'est un rôle de composition ou si c'est pas le cas, c'est vraiment un personnage exécrable. C'est épouvantable, il est insupportable, il est très mauvais aussi. Le film en entier n'est pas bon, il se passe à peu près jamais rien. Ce ne sont que des crises d'enfants d'enfants gâtés. Il ne cesse de crier. Bref, c'est pas bon. J'ai donné un 0 sur 10. Moi, je vous conseille pas du tout le Babadook. C'est vraiment pas bon. Autre film que j'ai trouvé vraiment navet. Pourtant, je me disais, avec un sujet comme Ouija, ça devrait être peut-être intéressant. En fait, il y a le potentiel pour faire quelque chose avec ça. Ben, c'est nul à chier, ça aussi. C'est un film que je qualifierais encore dans la même veine de tout ce qui était sorti depuis peut-être 10, 12, 15 ans, des films d'horreur pour adolescents, avec des adolescents, en fait, peut-être des jeunes adultes qui jouent des rôles d'adolescents, mais qui sont vraiment navets. Ça s'éternise, c'est long, il se passe pas grand-chose. Non, c'est pas bon. Ouija, là, c'est pas bon. N'écoutez pas ça, c'est vraiment pas bon. Autre truc que j'ai trouvé aussi nul, et j'ai donné aussi un 0 sur 10, c'est Grace the Possession. C'est un film de Jeff Chan qui raconte l'histoire d'une jeune femme de 18 ans qui vient d'arriver, qui est issue d'une famille qui est très, d'une famille, en fait, sa grand-mère qui est très pratiquante et qui voit le mal partout, et que l'humanité pourrait amener sa petite fille vers toutes les perversions possibles et impossibles. Donc, elle est très naïve, elle était surprotégée, elle arrive dans université, et elle est pensionnaire, et puis bon, ben, on sait que dans les universités, il y a plusieurs associations étudiantes qui font souvent le party, et ainsi de suite. Sa co-chambreuse est une fille assez délurée, et elle n'a jamais rien vu, n'a jamais rien vécu, et ainsi de suite, et elle est possédée par une entité. Ben, ça, on le sait pas, hein, vraiment. Elle est supposément possédée par une entité démoniaque. C'est pas bon. Et en plus, on a adopté non pas le fait du caméra à l'épaule, on a voulu développer quelque chose de mieux. Donc, tout le film se passe par la vision de cette Grace en question. Donc, ça donne un film qui est flou par moments, un film qui donne des prises de vue qui sont très sautillantes, très énervantes. Il se passe à rien, là non plus. Grace the Possession, 0 sur 10. Écoutez pas ça, c'est pas un bon film. Par contre, un que j'ai apprécié, qui met en vedette quand même quelqu'un d'assez de calibre, je parle ici de Liam Neeson, c'est un film de Scott Ring, c'est A Walk Amongst the Tombstones, qui est un film à caractère criminel, trailer si on veut, et qui raconte l'histoire de Matt Scudder, qui est un ancien policier qui était en fait sous l'emprise d'une toxicomanie, en fait l'alcoolisme, et qui dans le cadre d'une poursuite abat celui qui le traque. Ça chamboule un peu sa vie, ça part sur une dérape, il décide de prendre sa retraite et de se faire soigner, en fait, de guérir son alcoolisme, il devient détective privé et il est engagé par initialement un revendeur de drogue assez important pour trouver les assassins de sa femme, auquel sa femme s'était fait kidnapper, auquel on lui avait demandé une rançon, chose qu'il avait payée, et on avait quand même tué sa femme. On lui avait retourné dans la valise une voiture abandonnée sous forme de petit paquet. Bon. C'est original, ce n'est pas un film avec énormément d'action, quoi qu'il y en a, mais c'est quand même bien amené. Je le disais, il y a un côté original très intéressant dans le film. Liam Neeson est très bon dans ce film-là. Je lui ai attribué un 7,5 sur 10. J'aurais pu lui attribuer plus parce que s'il y avait eu l'aspect un peu plus, l'aspect plus criminel de cette histoire, quoique les deux personnages, les deux meurtriers en question sont fort tordus, mais ils se dévoilent trop rapidement à mon goût. Donc, on laisse pas assez place à l'imagination, à la recherche en tant que spectateur pour trouver qui peut avoir fait quoi. On nous le dévoile assez rapidement. C'est peut-être l'aspect un peu négatif que je trouve au film, mais quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, c'est fort intéressant. A Walk Amongst the Tombstones, c'est un bon film de Liam Neeson. Le film que je vous propose de revoir ou de découvrir cette semaine est un film, ma foi, qui n'est pas très, très, très vieux, puisqu'il date de 2012. C'est un film de gangster, tendance criminelle aussi. Il s'agit de Lawless, qui met en vedette Tom Hardy, l'excellent Tom Hardy dans ce film, Shia LaBeouf et Guy Pearce. C'est un film que j'ai parlé lorsqu'il était sorti, qui traite des contrebandes d'alcool lors de la Prohibition. Mais c'est vraiment très bon et c'est très violent aussi. Pas bon parce que c'est violent, mais la violence se justifie dans cette histoire. C'est vraiment un excellent film. Lawless, je lui donne un 9 sur 10. Je vous incite à le voir. Si vous ne l'avez pas vu, là, ça vaut vraiment la peine de voir ce film-là. La semaine prochaine, je vous parlerai, entre autres, d'un film dont je n'ai pas beaucoup d'attente. Il s'agit d'un film tiré des héros de Marvel, c'est Guardians of the Galaxy. C'est un film de science-fiction et d'action. C'est un film de James Gunn. J'ai pas beaucoup d'attente, honnêtement. D'après ce que j'ai pu entendre dire, j'ai peut-être raison de pas en avoir, mais quoi que l'en soit, je vous entretiendrai de Guardian of the Galaxy et je vous parlerai aussi de mes débuts avec la nouvelle série Z Nation, film de série de zombies, bien entendu. On va poursuivre musicalement. N'oubliez pas que à 9h, 21h, 9h, ça c'est demain matin, 21h tout à l'heure, restez sur les ondes de C'est fou, puisque pour vous, amateurs de métal, il y aura une autre émission qui porte le nom de... J'ai toujours un blanc de mémoire avec cette émission-là. C'est incroyable. J'ai toujours un blanc de mémoire avec tout. Progression chaotique, voilà. À 21h, progression chaotique ou chaotique progression? Progression chaotique, voilà. À 21h, qui se poursuivra pour ce qu'on pourrait appeler les mardis métalliques, voilà. On va poursuivre cette fois-ci avec une dernière pièce qui risque... je crois que ce sera possiblement la dernière puisqu'elle est très longue. Une pièce de 12 minutes 25 qui est de la formation Triptychon, qui est tirée du dernier album Malena Casmata. Il s'agit de Black Snow. Et si jamais je peux revenir d'ici la fin, je le ferai. I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life. Except for this one. la longue pièce de Triptychon, Black Snow, qu'on retrouve sur leur dernière parution, Melana Casmata, qui est parue en 2014 sur Century Media, une formation qui, moi, je trouve, qui est très différente de ce que Tom Fisher faisait avec Celtic Frost, mais qui est quand même tout aussi intéressante. Ben, en fait, pour les bons albums de Celtic Frost, bien sûr, parce qu'il y en a des très mauvais. Une longue pièce de 12 minutes 25. Évidemment, Triptychon donne dans un doom sa forte tendance dépressive par moment, comme on a pu le voir là. Mais c'est très lourd, c'est très plein. Et c'est ce que j'aime de Triptychon. La semaine prochaine, je vous présenterai l'album marquant, puisqu'on va être la dernière émission du mois de novembre, déjà. Il s'agit d'une formation montréalaise qui porte le nom de Dead Brand Cells DBC et leur premier album paru en 1987, un album homonyme, Dead Brand Cells, avec lequel j'ai renoué il y a peu de temps. Ben, j'ai toujours aimé DBC, mais j'avais comme mis ça un peu de côté, puis j'ai dit, waouh, c'est vraiment bon, c'est vrai que ça m'a marqué cet album-là, je vais le présenter et c'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, en parlant de DBC, le 21 novembre, ce vendredi, ils se produiront à la salle Unisson de Québec. Et le lendemain, soit le 22, ils seront à Montréal, aux Catacombes. Ils seront en compagnie de The Affected, Riot War et Fuck the Middle East, qui est une formation que l'on connaît bien ici dans la région, qui se veut un hommage à Stormtrooper of Death et Celtic Frost aussi, soit dit en passant. Donc, DBC, ça risque d'être un bon spectacle. Si vous avez l'occasion de le faire, soit à Québec ou à Montréal, faites-le. Et je risque d'en avoir de bons commentaires. Je ne pourrais y hésiter, mais je risque d'avoir de bons commentaires de mon ami Elborg Tower, qui d'ailleurs aura produit une entrevue avec eux le week-end dernier. Donc, j'aurai probablement des capsules au fil des prochaines émissions que Tower m'a envoyées aussi pour certaines comptes rendus d'albums que je vais me faire plaisir de vous présenter. Restez à l'écoute à l'antenne de C'est Fou parce que dans quelques une minute ou deux à peine, peut-être, c'est Progression Chaotique qui entrera en onde. Moi, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis d'ici là, bien sûr, allez tous vous faire foutre. Ciao.